m'ont dit ne lâche pas les études, ne reste jamais combattu. D'un côté ça m'a aidé, mais ça m'a également formaté. Car ils nous disent de nous ouvrir des portes alors qu'ils ferment les serrures. Ils nous demandent de l'expérience après nous avoir fermé des ouvertures. Un monde plein de paradoxes, ils m'ont dit que les pharma bossent pour le bien de la population. Alors que c'est à pas fausse, les analysant, ils nous conseillent dans le viseur. Ils m'ont dit que la télé était le meilleur des superviseurs. Certains m'ont dit que le proviseur est une autorité provisoire, que leur plus grand bonheur serait de lâcher le prof d'histoire. Après ils m'ont dit que c'est dur d'y croire, que dans ce brouillard c'est dur d'y voir. Je leur ai souhaité de rester eux-mêmes face à leur miroir. Ils m'ont dit qu'il fallait assumer, d'autres m'ont dit qu'il fallait s'amuser. S'amuser en assumant, mais ils m'ont dit de faire gaffe aux calumères. Ils m'ont dit que tu te faisais allumer dans le mirage d'un jugement porté sur l'image. Où il t'a pris en ne suivant la couleur de ton visage. Mais tant que gentil et vivant, ils me diront ce qu'ils veulent que l'entendre. Mais je ne serai jamais pris dedans, yeah. Mais je ne serai jamais pris dedans, yeah. Ils m'ont dit qu'être opposant était contre toute valeur morale. Mais de la morale je n'en vois plus dans leurs prestations orales. Ils m'ont dit de garder le moral, que ma pensée était anormale. Ils m'ont dit qu'avec beaucoup d'argent tout devient alors abordable. Ils m'ont dit tellement de choses, comme par la mine, on a la même cause. Tellement de choses, comme par la mine, comme par la mine. Ils m'ont dit, un tas d'immondices. Ils ont osé me dire que le mal n'était pas leur complice. Mais ils m'ont dit, plein de complaisance, qu'ils voulaient le bien de la nation. Ma rage est en effervescence. Mais ils m'ont dit, un tas d'immondices. Ils ont osé me dire que le mal n'était pas leur complice. Mais ils m'ont dit, plein de complaisance, qu'ils voulaient le bien de la nation. Ma rage est en effervescence. Ils m'ont dit, un tas d'immondices. Ils ont osé me dire que le mal n'était pas leur complice. Mais ils m'ont dit, plein de complaisance, qu'ils voulaient le bien de la nation. Ma rage est en effervescence.